Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop, aujourd'hui la crème du cinéma français. Agathe Villanova, féministe nouvellement engagée en politique, revient pour 10 jours dans la maison de son enfance, dans le sud de la France, aider sa sœur Florence à ranger les affaires de leur mère décédée il y a un an. Agathe n'aime pas cette région, elle en est partie dès qu'elle a pu, et les impératifs de la parité l'ont parachutée ici à l'occasion des prochaines échéances électorales. Dans cette maison vivent Florence, son mari et ses enfants, mais aussi Mimouna, femme de ménage que les Villanova ont ramenée avec eux d'Algérie au moment de l'indépendance. Jeudi, elle participe à un meeting, et si on veut la filmer, si on veut la suivre, elle est d'accord. Ah voilà, ça c'est bien... Qu'il y a un peu d'action quand même, tu vois, qu'il n'y ait pas que Agathe Villanova tout le temps. Enfin, c'est quand même un documentaire sur Agathe Villanova, il faut que tu t'y fasses, putain, à un moment. Non, mais là-dessus, on est d'accord, je pense à la qualité du film. Maintenant, dans ma tête, là, c'est parti, je suis concentré, il n'y a rien qui va m'arrêter. Agathe Villanova, j'en ai rien à foutre. Si j'ai bien compris, l'obligation de respecter certains quotas a favorisé votre entrée sur la scène politique. Ça vous dérange pas? Pour ce qui est des quotas, je préférerais évidemment que les choses se fassent naturellement et qu'on n'ait pas besoin d'une loi. Je préférerais un monde idéal. Mais vous avez dû remarquer comme moi que le monde n'est pas idéal. Et qu'on doit contraindre les gens à se comporter correctement. Merci, c'est bon pour moi. Michel ? Quand on veut. Comment ça, quand on veut ? Je vais filmer, là ? Ah non, je vais pas filmer. Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Jamel Debbouze, parlez-moi de la pluie, un DVD Studio Canal.